Quiconque invoque une autre divinité avec Allah, sans avoir la preuve évidente de son existence, en rendra compte devant son Seigneur. Nulle réussite pour les mécréants. Dis, Seigneur, pardonne et fais miséricorde. Tu es le meilleur des miséricordieux.